L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le nombre total de galaxies peuplant l'univers observable vient d'être réévalué à la hausse. Leur nombre serait de 2000 milliards, soit 20 fois plus que ce que l'on pensait auparavant. C'est une équipe internationale conduite par Christopher Cancellis de l'université de Nottingham qui vient de publier ce résultat dans The Astrophysical Journal. Les astronomes cherchent depuis longtemps à dénombrer les galaxies de l'univers observable, c'est-à-dire la région de l'univers dans laquelle la lumière des objets distants a eu le temps de nous parvenir. Depuis une vingtaine d'années, ils utilisent le télescope spatial Hubble pour faire ces dénombrements et étaient parvenus au chiffre d'environ 100 milliards. Christopher Cancellis et ses collaborateurs ont converti des images de champs profonds de Hubble en images 3D en comptant les galaxies existantes par tranches d'époque en remontant toujours plus loin dans l'espace-temps jusqu'à un décalage spectral Z égale 8, soit environ 13 milliards d'années dans le passé. Ils évaluent la densité de galaxies à chaque période, ce qui permet de remonter au temps très reculé, même si on ne parvient plus à détecter les galaxies car elles sont trop peu lumineuses ou trop décalées vers le rouge du fait de l'expansion cosmique. Pour cela, ils ont utilisé des nouveaux modèles mathématiques qui permettent de déduire le nombre de galaxies en fonction de l'époque. Les chercheurs montrent ainsi que la densité de galaxies évolue comme l'inverse de l'âge de l'univers. Ce que les chercheurs parviennent à montrer, c'est que les galaxies ne sont pas uniformément réparties dans le temps. Lorsque l'univers n'avait que quelques milliards d'années, le nombre de galaxies présentes dans un volume d'espace donné est 10 fois plus grand que ce qui est vu dans l'univers proche et actuel, dans le même volume. La plupart de ces galaxies sont des galaxies de petite masse, similaires aux galaxies satellites de notre Voie lactée. Bon, le résultat est là, 90% des galaxies ne sont pas encore détectables par la génération actuelle de télescopes. Ce qui surprend les astronomes, c'est que le grand nombre de galaxies trouvées dans le passé lointain de l'univers implique qu'une forte évolution a dû avoir lieu pour réduire drastiquement leur nombre à celui que nous observons autour de nous via de nombreuses fusions galactiques. Christopher Cancellis explique « Nous ne voyons pas la grande majorité des galaxies parce qu'elles sont trop peu lumineuses et trop lointaines. Le nombre de galaxies dans l'univers est une question fondamentale en astronomie, et cela frappe l'esprit de se dire que 90% des galaxies sont encore inconnues. Qui sait quelles propriétés intéressantes seront trouvées quand on étudiera ces galaxies avec les prochaines générations de télescopes ?» En tout cas, retenez bien ce nouveau nombre, 2000 milliards de galaxies. L'article de Christopher Cancellis et ses collaborateurs va bientôt paraître dans The Astrophysical Journal, où il a été accepté pour publication. Son titre est le suivant, « The Evolution of Galaxy Number Density at Z Inferior to 8 and Its Implications ». Je mets le lien de l'article en préprint sur le site Archive, donc en bas de ce billet comme toujours. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers dans son entier, oui, se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission comme toujours sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher et toujours sur le blog. Ça se passe là-haut. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !